Alors, pour commencer, la question que nous avions envie de poser, c'était finalement à nos invités, c'est pourquoi LIP ? Et donc, je me tourne tout de suite vers Dominique Dubosc. Qu'est-ce qui, finalement, dans votre itinéraire personnel, professionnel et politique, va vous conduire à vous impliquer dans les conflits LIP avec la caméra, caméra au point ? Comment, finalement, vous vous retrouvez à LIP ? Par quel biais ? Pour quelles raisons ? Sur quelle période, justement ? Voilà, peut-être je vous lance ces premières questions. Je répondrai à cette question. Ce n'est pas moi qui m'implique dans LIP, c'est les Cahiers de Mai. Et je suis un militant des Cahiers de Mai. Mon itinéraire personnel n'a pas d'importance ici. Mais ce que j'aurais aimé, c'est reprendre quelques points de ce qui vient d'être dit rapidement, parce que effectivement, c'est un exposé qui est assez... dans sa rapidité, qui est assez exacte, mais il y a des points qu'il faut reprendre, parfois d'un mot, simplement, me semble-t-il, si vous permettez. Bon, on a parlé de militants chrétiens à propos de... Je le prends tel que j'ai noté, hein. Militants chrétiens à propos des gens de LIP, des syndicalistes de LIP, notamment de la CFDT, mais aussi à la CGT, mais évidemment, on pense à Vito Piaget, etc., c'est effectivement un militantisme marqué par la JOC et donc un certain christianisme de gauche, disons. Il y a un basculement de ce syndicalisme chrétien avec la guerre d'Algérie et notamment avec les carnets de l'adjudant Muller. Et des gens comme Piaget basculent complètement à gauche et tout l'Est de la France bascule à gauche, et c'est une des raisons de la création de la CFDT, la guerre d'Algérie. C'est un élément très très important, la guerre d'Algérie. On mesure encore aujourd'hui, vous avez vu la honte, en novembre dernier, on a célébré Bijar la torture, on lui a fait un monument à Fréjus, etc. Je veux dire, le même parti socialiste qui avait filé les pleins pouvoirs au Para pendant la bataille d'Alger, hein, récidive. Bon, je ne sais pas où on en est. Bon. Tu as parlé de... Tu as avancé une formule qui était l'insubordination ouvrière. À l'époque, on parlait plus de lutte de la dignité, c'est-à-dire que cette insubordination, il faut lui donner un contenu. À l'époque, dans des luttes comme Peñarroya, notamment, mais d'autres, les travailleurs avaient décidé de ne plus vendre leur vie, de ne plus vendre leur santé en échange d'un salaire. Bon, et là, il y a véritablement un basculement qualitatif. On demande un salaire supérieur, mais surtout, on demande de ne pas mourir au travail, tout simplement. Et c'est une question de vie et de mort, dans certains cas. À Peñarroya, par exemple, c'est clair. Donc, il s'agit là de grève de la dignité, dont les deux plus grands exemples qui ont marqué toute la suite sont la grève de Saint-Nazaire, là, les chantiers navals de Saint-Nazaire, et la grève de la Rodiaceta à Lippe. Ces luttes ayant d'ailleurs été faites. Ce sont les deux grandes luttes de la dignité. Bon, je passe rapidement. On a parlé de l'impunité, popularisation, instrument de popularisation. L'impunité est avant tout un organe, un journal interne. Et s'il s'appelle l'impunité, c'est parce que son but premier est de constituer, jour après jour, une plateforme commune sur laquelle on ressoude son unité. Bon, une lutte est fondée sur un rapport de force, et ce rapport de force repose surtout sur l'unité des travailleurs. Et il faut que cette unité soit refaite jour après jour. Et le journal permet de reprendre ce qui a été dit en Assemblée générale, de façon à ce que chacun, à tête reposée, puisse relire et réfléchir et voir s'il est bien d'accord. Éventuellement, le lendemain, reposer des questions à l'Assemblée générale. Donc la fonction de l'impunité est avant tout une fonction interne et non pas une fonction de popularisation, même s'il a été diffusé. Voilà. Mais il faut bien voir les deux aspects de ça. Et l'impunité vient du bulletin qu'on avait fait à Peñarroya, qui était un bulletin bilingue et qui avait précisément cette fonction de refaire l'unité, de consolider l'unité à l'intérieur de l'usine. Bon, là, j'ai pas bien marqué dans mon papier, parce que mais peu importe, c'est dans le désordre. Le plan Giraud. Le plan Giraud, on a dit qu'au moment du vote du 12 octobre sur le plan gouvernemental, le plan Giraud, il s'agissait d'un plan qui présentait des licenciements, un certain nombre de licenciements. Alors on était passé de 600 à 400, enfin bon, il restait des centaines, 160. Voilà, il restait des centaines de licenciements. Il ne s'agit pas seulement, comme l'a prétendu la CGT, d'un compromis acceptable, voilà, Giraud il propose 400 licenciements, et d'ailleurs quelqu'un avait dit, Giraud lui-même, mais repris par Segui plus tard, Giraud avait dit, la question est de savoir si vous préférez 1000 licenciements ou seulement 400, quelque chose comme ça. Bon, donc on vous propose, etc. La réalité est tout autre. Giraud n'est pas crédible. Nous, on avait fait une étude sur Giraud. On avait mobilisé, comme d'habitude, on faisait travailler les grandes écoles. Et on avait mis l'école des mines là-dessus. Et l'école des mines, on avait mis sur Pénaroya. Mais on avait mis un autre cabinet. Quand vous dites, vous, c'est les cahiers de mai. Oui. D'accord. À l'époque, il faut savoir que les syndicats français étaient très retardataires. Hein. Ils n'avaient pas de cabinet d'études économiques, etc. C'est un peu nous qui avons commencé ce genre de truc. Donc on a fait faire une analyse de Giraud. Giraud, c'était les forges d'Ennebon, c'est tout. C'était un tout petit patron de rien du tout. C'était du bidon, Giraud. Bon, donc c'est pas simplement que Giraud proposait des licenciements et que le reste, ça allait bien marcher. C'est que c'était du vent. C'est pour ça qu'on a voté contre le 12 octobre. Bon, c'est une petite précision quand même. Alors, commission popularisation, par rapport aux autres, il faut quand même préciser, 200 personnes dans la commission popularisation. C'est de très, très, très loin la plus importante commission, on en reparlera, parce que l'axe stratégique de la lutte, déterminé à partir de mai, déjà, dans le conflit, ça va être la popularisation. Donc, une très forte mobilisation dans les sous-commissions de la commission de popularisation, qui compte une douzaine de sous-commissions. Et donc, le cinéma... Le cinéma s'inscrit là-dedans. Voilà, on en reparlera. Mais donc, c'est très important, la popularisation. Alors, la question de l'autogestion. Bon, bien entendu, Piaget a raison de dire, attention, ce n'est pas de l'autogestion. L'autogestion, c'est tout un changement de système, etc. Bon. Ce que Piaget et la communauté d'élite essayent de définir, c'est ce qui est praticable, c'est ce qui est opérable. Je parle d'Aristote tout à l'heure en plaisantant un peu, c'est le practon d'Aristote, c'est-à-dire on définit un but et on définit un objet qui peut être opérable. Bon, il est évident qu'on ne va pas faire la révolution. D'abord, la révolution, c'est une connerie. C'est un mot qu'il faudrait bannir du vocabulaire. Je veux dire, c'est une connerie totale. Voilà. Bon, il ne s'agit pas de faire la révolution. Et il n'en a jamais été question. Moi, je me souviens au cahier de mai, c'est un mot que je suis resté 4 ans au cahier de mai, c'est un mot que je n'ai jamais entendu parler. On n'en parle pas de ce mot-là. C'est une bêtise. C'est comme le mot démocratie aujourd'hui, c'est obscène. Bon, il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait, dans un esprit aristotélicien, d'améliorer quelque chose, d'améliorer une situation. Or, de quoi s'agissait-il ? De licenciement suite à une restructuration, etc. Bon, une opération capitaliste, un trust suisse. Bon, la Suisse, tu l'as pas dit, tu n'as pas eu le temps, mais la Suisse, dans les années 1922-30, ils ont concentré toute leur industrie. À l'origine, en 1920, l'industrie horlogère de part et d'autre du Jura est identique, à la même force. Bon, en 30-32, l'industrie horlogère suisse est complètement concentrée, etc. Et Beauchessa est déjà né, et tout ça, c'est extrêmement puissant. À l'époque, il y a une crise de l'horlogerie. Il y a l'émergence des nouvelles montres électroniques, etc. Il y a essentiellement les Américains et les Japonais qui deviennent les deux seuls acteurs sur, le, sur ce segment. Les Suisses qui ont pris du retard vont, avec un coup de rein extraordinaire, se remettre, vont recoller au peloton, et la France ne va pas recoller, tout simplement. Et la France n'a pas l'intention de recoller, il n'y a pas un plan horlogerie. Donc c'est un combat perdu. Bon, on ne va pas faire la révolution pour ça. Ce qu'on veut, c'est, chez Lippe, ce qu'on veut, c'est essayer de sauver ce qui peut l'être, de sauver les emplois. Et alors, ils vont le faire, mais bon, enfin, je ne vais pas raconter l'histoire. C'est simplement que il ne s'agit pas d'autogestion, il ne s'agit pas de révolution, il s'agit, dans des circonstances données, de mener une lutte en développant un rapport de force très important, grâce à une mobilisation d'un type particulier. On peut parler ici, si vous voulez, d'un syndicalisme de masse, véritablement, un syndicalisme de mobilisation de l'ensemble des travailleurs et de leur implication dans les commissions de travail pour développer un rapport de force beaucoup plus important que ce que pouvait développer un syndicalisme, disons, traditionnel. Et là, vous avez, on va voir deux exemples, vous avez la différence entre les deux leaders CFDT de Lippe, Piaget et Vito, qui représentent deux aspects totalement opposés du syndicalisme. Bon, je passe. Position de la CFDT par rapport à Lippe. La CFDT a soutenu Lippe du bout des lèvres, hein, pendant tout le conflit. Je pourrais raconter des histoires croquignolesques sur le soutien des plus hauts échelons de la CFDT. C'est peut-être pas le moment et, ni le lieu. Bon, mais bon, il y a eu beaucoup de tirages entre Piaget et Chérec, etc. Beaucoup de tirages. Bon, tu as dit aussi la perte de l'usine, perte d'un symbole. C'est pas seulement la perte d'un symbole, c'est la perte d'un lieu matériel où on était très bien installé pour travailler. Ensuite, quand on s'est retrouvé au gymnase Jean Zay, qui est un lieu qui était épouvantable d'un point de vue acoustique, on pouvait plus se parler, c'était affreux, les assemblées, on n'entendait rien. Enfin, c'était vraiment triste. L'usine, c'était quelque chose de royal. Bien entendu, on ne pouvait pas la garder. Voilà. Et sur la question donc du cinéma, voilà. Et de la commission cinéma, est-ce que tu peux expliquer comment elle fonctionnait, justement, quelle était la sous-commission, en fait? C'est ça, c'était une sous-commission. Alors, j'explique un peu. Et du coup, c'est effectivement le rapport au cahier de mai. D'ailleurs, on a ici aussi Claudine Philippe qui est avec des numéros de l'IPUNITÉ et qui faisait partie des cahiers de mai. Est-ce que tu peux effectivement, du coup, préciser comment, finalement, le cinéma et puis la vidéo, puisque c'est aussi la question que nous souhaitons poser aujourd'hui, vont être insérés dans ce contexte et en particulier, évidemment, dans cette commission popularisation, effectivement très vaste et avec des sous-commissions. Est-ce que tu peux préciser ça et comment ensuite ton film va s'y articuler, sauf qu'il est plus tardif que le conflit 1973. Non. Les images sont prises. Il faut préciser. Bon, d'abord, le film. Oui, j'avais noté ça comme premier point. Je suis pas dans cette histoire-là le réalisateur du film là, l'affaire Lippe ou Le goût du collectif. Moi, je suis le réalisateur du film Lippe 1. Non licenciement, non démantèlement. Non licenciement, non démantèlement, qui est le seul film inséré que j'ai fait. Les autres n'appartiennent pas à la catégorie des films insérés. De même qu'à Peñarroya, il n'y a eu qu'un seul des deux films qui soit un film inséré. Alors, définissons rapidement ce terme. Un film inséré, c'est un film qui est forcément un film de commande. C'est un film qui répond, qui d'abord s'inscrit dans une lutte et plus précisément dans une stratégie qui a été déterminée par les travailleurs. Ça s'inscrit par rapport à une fin, un objectif, si vous voulez, qui a été déterminé. Bon, encore une fois, je reviens à Aristote, ce qui a été déterminé par délibération, et là on peut parler de démocratie à l'époque, ce qui a été déterminé, c'est l'objectif, la fin poursuivie, le bien, si vous voulez. le bien qu'on cherche à atteindre, qui n'est pas le bien absolu, bien sûr, on ne parle pas de conneries à la Platon, on parle d'un bien relatif, de quelque chose qu'on peut opérer, sur lequel on peut opérer, quelque chose qu'on peut atteindre, quelque chose qu'on peut améliorer. Le bien, c'est le meilleur. C'est quelque chose qui est meilleur, ce n'est pas le bien en soi. Bon. Donc, quand les travailleurs, par exemple les travailleurs de Peñarroya, décident de se mettre en grève parce que c'est plus vivable de vivre à côté des fours à plomb, dans des baraquements, respirant le plomb, étant appelé après un tour de 8 heures, un autre tour, etc., bouffant du plomb, mourant. Bon, à ce moment-là, on se met en grève, mais pas pour remplacer le patron, pour faire Dieu sait quoi, mais pour demander qu'il y ait des améliorations, hein, des améliorations sensibles, des conditions de travail, de santé, de logement aussi, que ces baraquements soient mis ailleurs, qu'ils puissent respirer la nuit, etc., etc. Bon, c'est ça. Et on opère sur une situation donnée en mettant en œuvre un rapport de force. Hein. Alors, ça commence par, en général, les grèves, l'arrêt du travail. C'est la première opération qu'on peut faire. On arrête l'usine. Ensuite, pour tenir, on prévoit d'autres opérations. Par exemple, chez Lippe, on prend le stock de montres, on vend des montres, etc. Mais aussi, il peut se produire, ce qui s'est produit chez Peñarroya, c'est qu'on détermine que dans le cours de la lutte, on va pouvoir attaquer l'image de marque du Trust Peñarroya, qui est une image de marque complètement mensongère. Et en quelques jours, on m'a demandé, à travers avec Aïdmet, de faire un film qui attaque cette image de marque. Donc le film, qui est, je le répète, forcément un film de commande, est un film qui vise à opérer sur un objet opérable, qui est cette image de marque. Donc on fabrique un outil pour opérer. Bon, qui dit outil, dit main. Enfin, je pense à le roi Gourand, mon prof en anthropologie. Bon, et qui dit outil, dit quelqu'un qui va se servir de l'outil. Donc un film inséré, c'est un film qui doit être remis entre les mains de ceux qui l'ont commandité et qui vont s'en servir. Donc, vous avez toute une définition qui est complète du film inséré, qui n'est pas du tout le film militant, qui n'est pas du tout le film politique. C'est un outil qu'on fabrique dans un but bien déterminé, qui a été déterminé par les travailleurs, qui peut être un sous-objectif à l'intérieur d'un objectif plus large. Bon. Et à ce moment-là, cet outil doit être pris en main. Bon. À Peñarroya, je me souviens, j'ai formé les travailleurs là-bas au chargement de projecteurs 16 mm pour qu'ils puissent se servir de cet outil. Chez Lippe, c'était plus facile parce que c'était des horlogers. J'aime mieux vous dire qu'ils apprenaient le fonctionnement des projecteurs beaucoup plus facilement. Bon, voilà. Et ça, c'est très important de mettre en relation l'outil avec les gens qui vont s'en servir. Voilà, ça c'est la définition, si vous voulez, du film inséré. Alors chez Lippe, c'est bien simple, les cahiers de mai sont arrivés là-bas fin avril, ils se sont fait engueuler d'ailleurs, pour leur retard en quelque sorte. On a mis en route l'Ipunité au courant du mois de mai, je pense, mais tu me corrigeras, mai-juin, l'Ipunité, ça commence quand ? Le numéro 1 est du 11 juillet 1973. Oh là, j'y suis pas. J'y suis pas. Mais peut-être qu'avant, il y avait eu des choses un peu... Ouais, non, il me semble qu'avant, il y avait des trucs. Le numéro 1, hein. Je l'ai là. De l'Ipunité ? Oui. De juillet. Wow. Bon. Non, avant, il y a eu des trucs parce que Daniel s'est installé là-bas. Avant. Daniel Anselme. Ouais. Voilà, pour que les étudiants et, présents aient des repères. Et en tout cas, moi, j'ai été. J'étais occupé, pas encore par cette histoire de Peñarroya, mais j'ai été appelé, je pense, dans les. Je crois que j'ai assisté à l'Assemblée Générale. Je ne sais pas si c'est celle du 18 juin ou si c'est une autre vers la fin du mois de juin, et qui est dans le film qu'on a filmé avec Yann Lemasson. Et le film a été livré, je pense, vers le 5... je me corrige. J'étais appelé là-bas en juillet et le film a été livré dans les premiers jours d'août. Voilà, je parle d'une assemblée générale vers le 20 juillet. Voilà. Et à ce moment-là, ce qui se passait, c'est que l'Élipe s'était rendu compte que pour développer cette popularisation dont on a parlé et dont le vecteur principal, c'était les commissions qui se déplaçaient dans toute la France, un besoin s'était manifesté qui était un besoin d'introduction au débat. Beaucoup de gens, et vous l'avez vu dans le film, si vous n'avez, j'imagine dans le film de Carole, Christiane André parle de son angoisse la première fois qu'elle se trouve devant un public. Les boules, comme elle dit. Bon, elle le dit dans mon film très bien. Bon, des gens comme ça qui plus tard ont été tout à fait capables de mener un débat, un meeting, ne l'étaient pas au départ. Ils n'avaient pas la capacité de synthèse, etc. Qu'avait par exemple Piaget ou d'autres. Alors, tant qu'il était possible de faire l'aller-retour dans la journée ou dans la matinée, on pouvait détacher un militant. Disons chevronné, capable de faire un meeting. Pour la matinée, il revenait, il reprenait sa place dans sa commission de travail, il participait à l'Assemblée générale, ou en tout cas, il était là. Mais quand il fallait partir 3-4 jours en France, c'était plus possible. Donc, on ne pouvait pas dégarnir la lutte, enfin, le travail de la lutte, le travail des commissions, comme le répète sans cesse Piaget. Pour la popularisation, ça aurait été en quelque sorte déshabiller Paul pour habiller et donc l'idée a fait son chemin de faire un film dans lequel on mettrait Piaget en boîte, et donc on a fait un film avec un scénario, j'ai bien peur d'être à l'origine de ce scénario lamentable, qui était une visite de l'usine par Piaget. Donc il faisait le guide puisque c'était lui qui parlait le mieux. Alors on le filmait en train de faire la visite et d'expliquer le conflit. Bon, on a filmé ça avec Gérard Martin. Et puis heureusement que Yann Lemasson a donné un coup de main pour faire quelques belles images, parce que sinon ça aurait été tristounet. Et on a sorti le film très vite, et il en est sorti des dizaines et des dizaines de copies qui ont beaucoup circulé en France, et on avait calculé à un moment donné qu'il avait réussi à toucher environ 300 000 personnes. Voilà. Le film, voilà. Et le film, ce film-là seul, est un film inséré. Quand plus tard, vers le mois de septembre, on s'est mis, Daniel a lancé le chantier d'un second film qui s'est appelé « L'usine est là où sont les travailleurs », ce film a traîné, il s'est basé sur un certain nombre d'images qui continuaient à se filmer pendant l'été, et pendant la marche, pendant le vote du plan Giraud. Et en fait, non seulement le montage de ce film a traîné à tel point qu'il n'était plus utile, il est arrivé à maturité au moment des accords de Dole, c'était fini, mais c'est pas seulement ça, mais c'est qu'il n'y avait pas, à mon sens, un axe stratégique clair pour ce second film. Le premier, il s'inscrivait clairement dans cette nécessité de populariser. Le second, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas à quoi il servait. Moi, j'ai hérité de ce film du côté de novembre, quand je suis revenu, j'étais en voyage, et j'ai terminé le montage. Je ne sais pas trop comment, je ne savais pas quels étaient les critères, je ne savais pas pourquoi on faisait ça. Et on a tiré une seule copie, l'autre une centaine. Et il n'a jamais servi, et il ne pouvait pas servir. Ces films, ils sont sauvegardés à l'heure actuelle correctement. Il me semble que le premier, il est... Il y a la copie du second film chez moi. On parle de film 16 mm. Il ne sert à rien, je peux vous la donner si vous voulez. Si tu en es d'accord, on fera un dépôt, effectivement, c'est solennel. Il y a beaucoup de témoins. Mais c'est surtout le premier film qu'il faut sauver. C'est le premier qu'il faut sauver. Absolument, mais les deux. Non, le second, il ne sert à rien. Aujourd'hui, il sert l'histoire. Au moins l'histoire du cinéma. Je vous signale, l'autre. Alors. Juste un mot pour finir. En 1974, je passe les détails, on a décidé de faire un grand film qui reprendrait un petit peu l'histoire, toute l'histoire. Alors, c'était plus du tout un film inséré, c'était l'idée de faire un film mémoire, transmission d'une expérience, un truc comme ça, un peu vasouillard. Est-ce que c'était ce qu'on appelait le film de synthèse, hein? Voilà, le film de synthèse. Voilà, la révolution, si vous voulez. Donc, bon, alors on était censé se coller à ce truc-là, tous ensemble, etc. Il y a eu des grandes réunions. Tous les gros bras du cinéma militant étaient là, puis il y a eu des petits problèmes. Le projet a été lancé quand de ce film de synthèse ? Pardon ? Le projet de ce film de synthèse a été lancé quand, pour qu'on sache, par rapport à l'histoire de la première, certainement dans le premier trimestre 1974, parce qu'il y a eu des réunions pour en discuter pendant l'été, en juillet-août, à Besançon. Voilà. Alors, toutes ces belles... cette belle mobilisation s'est effondrée, le truc m'est retombé dessus, et j'ai passé 2 ans à me traîner avec une masse d'archives qui venaient de tous les pays, du Japon, d'Allemagne, etc., et à essayer de monter un film, voilà, sans orientation bien définie. C'était soi-disant un film qui était sous contrôle de la CFDT. La CFDT, il y avait eu un recentrage. On était dans une drôle de période. Donc la CFDT freinait des quatre fers. La première séance du film a été épique. Épique. C'était une salle comme ça, hein, en fer à cheval. J'étais là, en tête, avec Charles. On avait fait le film, les deux, à la fin. Bon, on se fait attaquer sur le titre du film, Le goût du collectif, qui était transformé en Le coup du collectif. C'est pour vous dire jusqu'où allait le recentrage. Et on s'est fait fusiller par un tour de table de tout le monde, toute la section CFDT qui nous sont tombés dessus. Moi, j'étais encore jeune et puis j'ai pas le bagout de Charles, mais je voyais Charles qui rentrait sa tête dans ses épaules comme une tortue. Ça pleuvait comme à, voilà, c'était épouvantable, on était littéralement fusillés. À quelle date ça C'était quand on a montré le film, c'était en 76. Voilà, 76. Mais bon. C'était avant le relancement du deuxième conflit, évidemment. C'était dans le deuxième conflit. Déjà dans le deuxième conflit, d'accord. Alors on était dans une petite salle. D'ailleurs, la section CFDT avait dit qu'on allait projeter le film dans une petite pièce pour 12 personnes. Voilà. Finalement, il a été projeté au luxe devant 1000 personnes, ça a été quand même. On s'est fait fusiller. Alors à un moment donné, je vois Charles là qui sort la tête de ses épaules, il regarde s'il ne pleut plus, comme ça, puis se lève. Et alors d'une voix tonnante, c'est un petit homme, hein, mais il a une voix formidable, d'une voix tonnante, il s'écrie « Alors c'est fini, le goût du collectif, c'est fini ?» Alors il s'est levé tout droit et il a dit « Alors, rideau, camarade. » Et il est parti. Et moi, sur ses talons, bien entendu, on est sorti. Rideau, camarade. Voilà. Bon. C'est pour vous dire que ce n'est pas un film qui s'est fait tout seul. Et le contrôle, bon, le contrôle de la CFDT a été assez pénible. Mais Charles, bon, est resté. Bon, il était porteur de cet esprit, disons. Et c'est cet esprit qui... bon, finalement, le film, c'est une célébration de cet esprit-là et de ce type de syndicalisme-là. C'est pour ça que Charles est la figure centrale du film, alors que dans le film de Chris Marker, c'est Vito, donc un autre type de syndicalisme, qui est la figure centrale. Donc les deux films sont très opposés, comme vous allez le voir aussi dans un extrait où vous avez deux points de vue très opposés. Peut-être, si tu veux, le regarder maintenant. Si voilà, et comme ça, je vais m'accentrer. Alors, on va regarder... Alors, peut-être reprécise que ça va être extrait du remontage que tu as fait, alors... Oui, bien sûr. En 97. Oui, voilà. Oui. Voilà, c'est un remontage. Attends, mets stop. Mets pause. Attendez. Ouais. Mais stop, Alain. Il faut changer le format. Ouais, il faut qu'on change le format. On a... Et tu démarres au bon truc. Et on va baisser un peu le son, c'est ça ? Vous voulez qu'on baisse un peu le son ou ça va ? C'est un peu fort, c'est ça ? On baisse un peu. Attends, tu baisses ici le son. Non, c'est bon, t'en fais pas. Ça va, le son, tu l'as baissé un peu ? Ouais. Bah, c'est toi qui as les time code, moi je ne sais plus. Oui ? Oh, oui, c'est ça. Du coup, on va tout seul, on va gérer la lumière aussi. Voilà, mais